السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، والشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc aujourd'hui إن شاء الله on va faire le 11e cours des explicatifs, des annulatifs de l'islam de Sheikh Mohamed ibn al-Wahhab rahimahullah ta'ala. Explication faite par Sheikh Mohamed ibn Omar Bazmoul hafidahullah ta'ala. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer comment le cours d'aujourd'hui va se passer, inshallah. C'est qu'on est arrivé à quel naqid ? Au deuxième. On est arrivé à une parole de qui qu'on n'a pas traduite ? Des 21e, rahimahullah. Ça, d'accord ? On va la traduire à la fin de ce cours, mais on ne va pas la traduire complètement. Je vais vous expliquer pourquoi, inshallah. Pour deux raisons. Parce qu'au début, je vais d'abord apporter une parole de Cheikh Mohamed Al-Aqil que j'ai traduite. Parce qu'il y a beaucoup de paroles qui sont toujours du même sujet, ce qu'on appelle l'udr bil jahl. D'accord ? On avait déjà parlé plusieurs fois de ce sujet-là, et j'avais déjà dit que faites attention, c'est un sujet qui est rapporté par certaines catégories de personnes pour diviser les salafis, et j'avais dit que ça vient des tekfiriyin, et j'avais dit que ça vient des haddadiyya, etc. Comme Cheikh Rabi, il a dit « wa adhunnuhum tekfiriyum mutasattirun », c'est-à-dire que ce sont des tekfiris qui sont cachés, etc. C'est une mis'ala ilmiya. Je vous avais dit que quand j'étais à l'Umra, Cheikh Oubil Jabiri, il en a parlé dans l'Aqadat Raziyin, il a dit que le tahqiq, c'est qu'il y a des... certains moments où il y a l'udr bil jahl et certains quoi, où il n'y a pas l'udr bil jahl, donc il y a un tafsil, etc. Et on va le voir aujourd'hui dans une parole de Cheikh Al-Fawzan qu'on va ramener, etc. C'est une mis'ala ilmiya. Mais on a dit que quoi, qu'il y a des gens qui sont derrière ça, qui essaient d'utiliser ce genre de mis'ala ilmiya pour mettre des ambiguïtés au niveau du tekfir et essayer de diviser les salafis. Alors, je l'ai dit, et je ne l'ai pas dit de moi-même évidemment, je l'ai pris des gens de science, mais juste pour appuyer, pour dire que les gens ne disent pas que Mehdi parle de lui-même, mais je vous ai amené une parole complète. Et le titre, il est déjà très clair d'ailleurs, de qui ? De Cheikh Mohamed ibn Abd al-Wahhab al-Aqil, hafidahullah ta'ala, qui est un Cheikh qui enseigne à l'université de Médine et qui est un spécialiste dans l'Aqidah. Il a des ouvrages notamment dans l'Aqidah, d'accord ? Et donc c'est un docteur, il s'appelle Mohamed ibn Abd al-Wahhab al-Aqil et il est enseignant à l'Jami' al-Islamiyya bil Madinati al-Nabawiyya. Qu'est-ce qu'il dit, hafidahullah ta'ala ? On va d'abord lire en arabe comme fait d'habitude et on va traduire à chaque fois, inshallah. Et si vous voulez, c'est aussi, je l'ai en PDF, si vous voulez, pour les frères. Il est sur notre site, déjà, il est traduit sur notre site, et il y a même l'original. C'est sous forme de matouya, comme ça, que vous pouvez télécharger, de Mohamed al-Aqil, hafidahullah ta'ala. Et le titre, il est déjà très clair, il dit « Mas'alat l'udr bil jahl innama turadu li tafriqi ahli sunnah ». Sinon, on va traduire ça, on va traduire que le sujet de l'excuse en raison de l'ignorance, c'est quoi ? Elle est, il est amené pour diviser les gens de la sunnah. La parole du Cheikh, elle est très claire, il dit « Alhamdulillahi wa usalli wa sallim ala al-mab'outi rahmatan lil'alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina ma ba'd. » Il dit « Famawdu'a hadil kalima, mawdu'a hamun jidda, yata'allaku bi amrin ham kharaja wa zahara akhiran bimman yunsab ila al-aqidah salafiyyah, wa sabab al-jahl bihi ishkalan kabira, bal wa furqatan bal asbaha manat al-wala wal-bara, faman wafaqaka fima ta'taqiduhu fi hadhihi al-mas'alah, walaytahu, wa man khalafaka fima ta'taqiduhu fi hadhihi al-mas'alah, adaytahu, hadhihi al-mas'alah hiya ma tusamma bil-mas'alah, wa mas'alat al-udr bil-jahl, wa sabab dhuhur hadhihi al-mas'alah fi hadha al-zaman, wa dhuhur fitnat al-takfir. هذا هو سبب ظهورها وإلا في الحقيقة لا مناسبة لها لا من قريب ولا من بعيد شأنها شأن بقية المسائل الأصولية لأن هذه المسائل في الحقيقة مسألة أصولية وهذه المسألة في الحقيقة مسألة أصولية وهي الإعذار التي أو الأعذار التي ترفع الحرج والإثم الدنيوي الأخروي كالخطأ والنسيان والإكراه والتأويل والجهل هذه أعذار متلازمة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله تعالى Et comme je vous l'ai dit, c'est un cheikh qui est un docteur, qui enseigne à l'université de Médine. Il a obtenu son doctorat avec spécialisation dans la croyance à l'université de Médine, où il enseigne actuellement. Parmi ses cheikhs, que vous situez un peu la personne et de qui il a appris, etc., eh bien, cheikh Hamad al-Ansari, le grand savant, rahmatullah alayh, cheikh al-Muhsin al-Abbad, le grand savant, hafidahullah ta'ala, et cheikh Ali Nasir al-Faqihi, hafidahullah ta'ala, les deux derniers que j'ai cités, ils enseignent d'ailleurs toujours, au jour d'aujourd'hui, à au Mejid al-Nabawi, d'accord ? Cheikh Hamad al-Ansari, il est décédé, alayhi rahmatullah. Et donc il dit qu'Allah le préserve lors d'une allocution donnée lors de la visite des frères salafis d'Agadir. C'est des frères qu'on connaît, c'est nos frères salafis d'Al-Hadith, de Tikiwin, à Agadir. Ils ont visité, lors d'une Umrah, ils ont visité Cheikh Mohammed ibn Abdelwahab al-Aqil à Médine. Ramadan de l'an 1432, ça fait combien d'années maintenant ? Hein ? On va dire plus ou moins quoi, plus de 2 ans ? Hein ? Il dit, le sujet de cette allocution est un sujet très important, qui est lié à une affaire importante qui est sortie et est apparue dernièrement, émanant de gens qui s'affilient à la croyance salafie. L'ignorance quant à ce sujet a provoqué une grande problématique, mais de plus une division, mais encore elle est devenue un point d'alliance et de désaveu. Celui qui est d'accord avec toi sur ce que tu crois quant à ce sujet, tu t'allies à lui. Et celui qui te contredit en ce que tu crois quant à ce sujet, tu le détestes. Donc je vous ai dit, c'est pas ma parole, c'est la parole de Cheikh Mohammed al-Aqil. Ce sujet est ce qu'on appelle le sujet de l'excuse en raison de l'ignorance, en arabe, al-udru bil-jahl. Et la raison de l'apparition de ce sujet à cette époque est l'apparition de l'épreuve du tekfir. Telle est la raison de son apparition, sinon en réalité, ce sujet n'a pas d'opportunité ni de près ni de loin. Cheikh va expliquer ce point-là. Il dit, son statut est le statut des autres points ayant attrait à ce qu'on appelle usul fiqh, qu'on peut traduire par les fondements de la jurisprudence. D'accord ? Car en réalité, ce sujet est un sujet de l'ordre des fondements de la jurisprudence. Et ce sont les excuses, ce qu'on appelle en arabe l'adar, le pluriel de udr, les excuses qui lèvent la difficulté et le péché dans ce bas monde et dans l'au-delà, comme l'erreur et l'oubli et la contrainte et l'interprétation et l'ignorance. Ça, on en a déjà parlé. Dans quel domaine on a déjà parlé de ça ? Dans Dawabit Takfir, c'est ça qu'on a traité. Hein? Dans Dawabit Takfir, on avait parlé des shurut et des mawani'a. D'accord ? C'est-à-dire quoi ? Des conditions et des barrières. Et on avait déjà répété pas mal de fois, jusqu'à ce que, Inch'Allah, maintenant c'est mémorisé par vous. Hein? C'est que quoi ? C'est que pour faire Takfir moyenne, il faut que les shurut, elles soient quoi ? Les conditions soient réunies et que les barrières soient levées. Et il dit, ce sont des excuses qui sont corrélatives. Et puis il continue. Vous allez voir pour les frères qui ont l'habitude de suivre ce cours-ci, que ça rejoint la parole de Cheikh Mohammed ibn Omar Bazmoul, hafidahullah ta'ala. Parce que qu'est-ce qu'il avait dit, Cheikh Mohammed Bazmoul ? Il avait dit que sur le Udr Bilja, les ulamas sont quoi ? Sont unanimes. Souvenez de ce mot-là, il l'avait dit. Hein? Si quelqu'un peut retrouver la page en arabe, qu'on la cite maintenant, mais sinon c'est sûr, c'est le dars numéro 9, si je me souviens bien, en français. D'accord ? Il a dit que les ulamas, ils sont quoi ? Unanimes sur le Udr Bilja, mais que quoi qu'il y a une divergence dans quoi ? Ah, dans l'application sur certaines situations. D'accord ? Regardez ce qu'il va dire chez Mohammed al-Aqil. Il dit, وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَ الْخَطَأَ رَافِعٌ لِلْحَرَجِ وَعَلَى أَنَ التَّأْوِيلَ رَافِعٌ لِلْحَرَجِ وَعَلَى أَنَ النِّسْيَانَ رَافِعٌ لِلْحَرَجِ وَعَلَى أَنَ الْجَهْلَ كَذَلِكَ رافع للحرج لأن العلة واحدة وهي عدم التعمد في الفعل أو الترك لأن الذي يؤاخذ به لابد أن يكون عالما متعمدا أما الجاهل فلا يؤاخذ وأما غير العالم وغير المتعمد فلا يؤاخذ لكن التكفيريين في هذا الزمان لما أرادوا تكفير المجتمعات الإسلامية وأرادوا العزلة عن هذه المجتمعات وأرادوا إنشاء أحزاب تقوم على تكفير المجتمعات ركزوا على هذا الجانب مستغلين بعض الكلمات التي وردت عن بعض العلماء قديما وحديثا وإلا فإن النصوص الشرعية دالة دلالة ظاهرة على أنه لا فرق بين الخطأ والجهل في العذر بالجهل ولما نزل قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال الله عز وجل كما في صحيح مسلم قد فعلت فأصبح محل إجماع على أن الأمر الذي فعلته بجهل أو فعلته بخطأ لا تؤاخذ عليه هذا بإجماع المسلمين Et puis maintenant, il va poser une question très intéressante. On va la poser en arabe, puis on va y répondre en français aussi, inshallah. Il dit, لكن لماذا ميز الجهل عن الخطأ ولماذا ميز الجهل عن التأويل. Regardez qu'est-ce qu'il va dire le shir. On dit que ce sont des excuses qui sont corrélatives. Et les savants sont unanimes, le shir, il dit. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Cheikh Mohamed Al-Aqil, enseignant à l'université de Médine. C'est aussi Cheikh Mohamed qui Bazmoul qui l'a dit, d'accord. Et les savants sont unanimes sur le fait que l'erreur lève le péché, le khata, d'accord. Et que l'interprétation lève le péché. Et que l'oubli, nisyan, lève le péché. Et que l'ignorance également lève le péché. Car la cause est la même, et c'est le caractère non intentionnel de l'acte. Ou du délaissement, car celui qui est puni doit obligatoirement avoir la science de ce qu'il fait et le faire de manière intentionnelle. Alayka salam wa rahmatullah. Quant à l'ignorant, il n'est pas puni. De même pour celui qui n'a pas la science et celui qui le fait de manière non intentionnelle. Mais les tekfiri, quel mot il a utilisé le cheikh ici? Il a dit les tekfiri. À notre époque, lorsqu'ils ont voulu juger les communautés musulmanes comme étant mécréantes, et ont voulu s'isoler de ces communautés, et ont voulu fonder des groupes basés sur le tekfir de ces communautés, ils se sont concentrés sur ce sujet, exploitant, écoutez la parole, Inch'Allah, dans les prochains cours, souvent je vais faire ça, je vais chaque fois rapporter une parole des shuyukh, notamment une qui, que j'ai déjà citée dans mes cours, mais que je vais citer en long maintenant et en large, c'est celle de Cheikh Rabi'a. Et Cheikh, il cite des noms, Cheikh, il explique bien pourquoi il faut faire attention à ce genre de personnes-là qui tournent autour de ce genre de masa'il parce qu'ils ont un but précis. Sinon, à la base, on a dit que c'est quoi, c'est une masa'il qui est quoi? Elmiya, d'accord. Il dit, ils se sont concentrés sur ce sujet, exploitant certaines paroles qui sont rapportées de certains savants dans le passé et aujourd'hui. Le cheikh dit, mais les textes de la législation indiquent clairement qu'il n'y a pas de différence entre l'erreur et l'ignorance en ce qui concerne l'excuse en raison de l'ignorance. Et lorsqu'a été révélée la parole d'Allah, dans la traduction du sens est, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité, elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Seigneur, ne nous charge pas d'un fardeau lourd comme tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. Seigneur, ne nous impose pas ce que nous pouvons supporter. Efface nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es notre maître, accorde-nous la victoire sur les peuples infidèles. Sourate al-Baqarah, traduction du sens du verset 286. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, comme cela est rapporté dans l'authentique de Muslim, ce dont la traduction du sens est, je l'ai certes fait, je l'ai certes fait. Par rapport à quoi? À la doua qu'il y a dans? Dans ce verset-là qu'on a cité, c'est quoi? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Et Cheikh Mohamed Al-Aqil continue en disant, c'est donc devenu un point d'unanimité que si tu fais quelque chose par ignorance ou par erreur, que tu n'es pas puni pour cela, et cela à l'unanimité des musulmans. Et il va poser une question peut-être que vous l'avez déjà posée, mais pourquoi il parle spécifiquement de l'ignorance toujours? Pourquoi on n'entend jamais sur le khata ou sur le nisyan? Ou sur ta'wil. Pourquoi toujours l'udr bil jahl, etc. Mais Cheikh, il va répondre ici. Il dit, لكن لماذا ميز الجهل عن الخطأ ولماذا ميز الجهل عن التأويل ولماذا ميز الجهل عن النسيان. Donc il pose trois questions ici, ou plus. Il dit, mais pourquoi ont-ils différencié l'ignorance de l'erreur? Et pourquoi ont-ils différencié l'ignorance de l'interprétation? Et pourquoi ont-ils différencié l'ignorance de l'oubli? Cheikh, il répond à cette question, il dit, حَتَّى يُكَفِّرُوا الْمُجْتَمَعَاتِ الْإِسْلَامِيَةِ لِأَنَّ الْمُجْتَمَعَاتِ الْإِسْلَامِيَةِ وَقَعَتْ فِي أُمُورٍ عَظِيمَةٍ جِدًّا وَمَحَاذِيرَ عَظِيمَةٍ هذه المحاذير لو أنهم فعلوها متعمدين عالمين ذاكرين لكفروا لكننا لا نكفرهم. لماذا؟ قد يكون بعضهم مخطئ وبعضهم ناسي وبعضهم متأول وبعضهم جاهل. فلما لم يستطيع أن يعذرهم بتلك الأعذار الثلاثة الخطأ والنسيان وعدم التعمل والتأويل بقي هذا العذر أخذوهم به قالوا هؤلاء ليسوا بجهلة أو قالوا هؤلاء جهلة غير معذورين بالجهل وهذا خطأ كبير جدا فإن العذر بالجهل قد قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يقول الأصفهاني رحمه الله. Regardez cette belle parole de l'imam الأصفهاني رحمه الله. قال رحمه الله تعالى لو لم يرسل الله عز وجل الرسل ما وجب على أحد شيء أصلا وما وجب على أحد شيء أبدا ما وجبت علينا الصلاة إلا بالرسل والصيام والزكاة وهكذا بقت شرائع الإسلام ما وجبت علينا إلا بالرسل قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. قامت حجة الله على خلقه بإرسال الرسل، فكل من بلغته الرسالة فقد قامت عليه الحجة، ومن لم تبلغه الرسالة لم تقم عليه الحجة، ومن بلغه شيء قامت عليه الحجة بقدر ما بلغه من الرسالة. هذه قضية مفهومة جدا، لكن هؤلاء التكفيرين العقل أرادوا أن يكفروا الناس وأخذوا ينمون هذه القضية، عدم العذر بالجهل، عدم العذر بالجهل. سبحان الله، كيف لا يعذرون بالجهل؟ كيف لا يعذرون وأساس هذا الدين هو العلم، ومن ليس عنده علم لا يجب عليه شيء أصلا. Cheikh, il répond à la question en disant « Afin qu'ils puissent juger les communautés musulmanes comme étant mécréantes. » Car les communautés musulmanes sont tombées dans des choses très graves et dans des grands dangers qui, s'ils les avaient commis de manière intentionnelle et en ayant la science à ce sujet et pas par oubli, ils auraient quoi ? Mécru. Mais nous ne les jugeons pas comme étant mécréants. Pourquoi ? Car certains d'entre eux peuvent l'avoir fait par erreur et d'autres par oubli et d'autres en raison d'une interprétation et d'autres par ignorance. Lorsqu'ils n'ont pas pu les excuser par ces trois excuses qui sont l'erreur et l'oubli et le fait de le faire de manière non intentionnelle et l'interprétation, il reste à cette excuse par laquelle ils les ont blâmés, ils ont dit « ceux-là ne sont pas ignorants ». Ou ils ont dit « ils sont ignorants mais pas excusés en raison de l'ignorance ». Et cela est une très grande erreur, le cheikh dit. Car au sujet de l'excuse en raison de l'ignorance, Allah a dit subhanahu wa ta'ala, ce dont la traduction du sens est « Et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. » Surat al-Isra, verset 15. L'imam al-Asfahani, rahimahullah, il a dit « Si Allah n'avait pas envoyé les messagers, rien n'aurait été obligatoire pour personne à la base. Rien n'aurait été obligatoire pour personne. La prière ne nous a été rendue obligatoire qu'avec les messagers, et le jeûne, et la zakat, et de même pour toutes les autres injonctions de l'islam. Elles nous ont été rendues obligatoires qu'avec les messagers. » Allah dit, ce dont la traduction du sens est « en tant que messager, annonciateur et avertisseur, afin qu'après la venue des messagers, il n'y eut pour les gens point d'argument devant Allah, et Allah est puissant et sage. » Sourate Nisa, verset 165. La preuve d'Allah a été établie avec l'envoi des messagers. Et donc tous ceux à qui est arrivé le message, la preuve leur a été établie. Et ceux à qui le message n'est pas arrivé, la preuve ne leur a pas été établie. Et ceux à qui en est arrivé une partie, la preuve leur a été établie proportionnellement à ce qu'il leur est arrivé du quoi du message. Et Cheikh il dit, ceci est une affaire très bien comprise, mais ces tekfiri ont voulu juger les gens mécréants et ont commencé à développer cette affaire. Pas d'excuses par l'ignorance, pas d'excuses par l'ignorance. Hein? Et ça rejoint une parole aussi de qui ? D'autres mashayikh, comme Cheikh Ahmed Bezmoul. Hein? Comme, dont Cheikh Nejmi Rahimoullah il a dit l'allama, Cheikh al-Fadil Ahmed Bezmoul. Il a appelé l'allama le très savant, d'accord ? Ou comme d'autres mashayikh, comme Cheikh Ahmed Soubiri, comme Cheikh Rabi, on a déjà cité ça, etc. Qui disent que quoi que, il y a des gens qui tournent autour du genre de Masel parce qu'ils ont un but. Hein? Comme l'a dit Cheikh Rabi, volume 1, page 309 de ce deux volumes dans le Fatawa, Cheikh Rabi, on va la rapporter dans un des cours, comme j'ai dit en long et en large, Inch'Allah, il a dit quoi, hein? Volume 1, Fatawa al-Aqidah de Cheikh Rabi, page 309 de mémoire, hein? On vérifiera, Inch'Allah. Il a dit quoi? Il a dit, « هذه المسألة يركض من ورائها أهل فتنة. » Et puis là, plus loin, il les a appelés comment? Il a dit l'haddadiya. D'ailleurs, quand il y a pas longtemps, il y a une daura au Koweït avec sur plusieurs mashayikh, dont Cheikh Ahmed Soubiri, Cheikh Bramzan, Cheikh Khalid Abdurrahman, Cheikh Ahmed Bezmoul, Cheikh Khalid Zafiri et d'autres, etc. D'accord? Ils ont rapporté certains groupes parmi eux l'haddadiya. Ils ont rapporté des signes distinctifs. D'accord? Et vous voyez que les mashayikh, beaucoup maintenant, notamment Cheikh Al-Utaybi aussi, hein? Vous pouvez trouver ces articles sur internet, eh bien ils réfèrent aux gens qui tournent autour de genre de Masaïla, qui essayent de parler beaucoup de ça et de faire fitna entre les frères, comme le Haddadiya. D'accord. Et Cheikh Mohamed Al-Aqil, il va donner d'autres exemples, parmi mes exemples dans les points de l'Aqidah qui sont utilisés par le Haddadiya pour diviser les frères. D'accord. Cheikh il dit, pas d'excuses par l'ignorance, pas d'excuses par l'ignorance. Cheikh dit, gloire à Allah, subhanallah. Comment ne sont-ils pas excusés par l'ignorance? Comment ne sont-ils pas excusés par l'ignorance alors que la base de cette religion est la science? Et celui qui n'a pas de science, rien ne lui est obligatoire à la base. D'accord? Puis Cheikh, il va donner un exemple. Ça fait partie de son bon enseignement. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va illustrer. Il donne un exemple, il dit... « خذوا أوقات الصلاة مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقول له الناس أذن أذن قد طلع الفجر قد طلع الفجر لماذا أذن ابن أم مكتوم لوجود العلم لو أنه أذن قبل أن يقوله لا أن يقول له الناس هل يقبل آذانه je pose la question pourquoi ابن أم مكتوم c'est quoi sa caractéristique à ce noble compagnon رضي الله عنه وأرضاه il était aveugle رضي الله عنه وأرضاه on va le dire dans un instant inshallah il dit là لأنه أعمى كفيف آذانه لا يقبل إلا بالعلم لما قال له الناس قد طلع الفجر أذن رضي الله عنه وأرضاه فقبل آذانه لأنه مبني على علم وهكذا سائر شرائع الإسلام من صلاة وزكاة وصيام رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصمه إذن الذي ما شهده يصومه أو لا يصومه ما يصومه إلا إذا أخبر أنه دخل الشهر فصامه بعلم أو بجهل بعلم فقضية العلم وقضية الجهل قضيتان ماذا متلازمتان إذن إذا جاء هذا ذهب هذا والنصوص الشرعية كثيرة جدا أفرادا وجماعات في أن الجهل عذر رافع للحرج الشرعي والأخروي et puis الشيخ dit وأضرب لكم مثالا على هذا je vais donner un autre bon exemple On va déjà traduire celui-là. Il dit, le cheikh, hafidahullah ta'ala, prenez pour exemple quoi? Les heures de la prière. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Bilal, radiallahu anhu, appelle certes à la prière de nuit. Mangez donc et buvez jusqu'à ce que Ibn Maktoum appelle à la prière. D'accord? On parle de quelle prière ici? Ahsantum. Et Ibn Maktoum n'appelle à la prière que quand les gens lui disent, Fais l'appel à la prière, fais l'appel à la prière, fais l'appel à la prière car l'aube est arrivée, l'aube est arrivée. Pourquoi Ibn Maktoum faisait-il appel à la prière? En raison de la présence de la science. Et s'il avait fait l'appel à la prière avant que les gens ne lui disent, est-ce que son appel à la prière aurait été accepté? Non. Car il était aveugle, privé de la vue, radiallahu anhu arda. Son appel à la prière n'est accepté qu'avec la science. Lorsque les gens lui ont dit que l'aube était arrivée, il a fait l'appel à la prière qu'à l'agré, et donc son appel à la prière fut accepté car il était basé sur une science. Et Shirli est de même pour toutes les injonctions de l'islam, comme la prière et les zakat et le jeûne du mois de Ramadan. La parole d'Allah dit selon la traduction du sens est, donc quiconque d'entre vous est présent ce mois, qu'il jeûne. Sur le Baqara, verset 185. Donc celui qui ne l'a pas vu, on parle de quoi ici? De la nouvelle lune qui indique le début du mois. Il le jeûne ou pas? Cheikh, il dit, non, il ne le jeûne pas, sauf s'il a été informé de l'entrée du mois de Ramadan, et donc le jeûne est par science ou par ignorance? Par science. Donc l'affaire de la science et l'affaire de l'ignorance sont deux affaires toujours corrélatives. Si l'une vient, l'autre part. D'accord? Et puis Cheikh, il dit, et les preuves de la législation sont très nombreuses, que ce soit des individus ou des groupes, en ce que l'ignorance est une excuse qui lève la punition dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et je vous donne un exemple à ce sujet. Cheikh, il va parler d'un autre exemple. Il dit, il va parler de zina. A'udhu billah min dhalik. Il dit, ta'rifuna zina, na'udhu billah min zina, insanun dakhala baytahu, wajada imra'atan fi firashihi, fawata'aha, fa'idha hiya laysat bi zawjatah, ma hukmuh. Là, je vous l'ai dit en français, comme ça je vous pose la question en français aussi. Cheikh, il dit, je vous donne un exemple à ce sujet. Connaissez-vous la fornication? Nous demandons à Allah de nous préserver de commettre la fornication. Un individu rentre chez lui, il trouve une femme dans son lit et a des rapports sexuels avec elle. Mais voici qu'elle n'est pas son épouse. Hein? Quel est son jugement? Fornication ou pas fornication? Qu'est-ce que vous dites? Chérie dit zina ou ma zina? Hein? Je vous donne la réponse. Zina. Zina. زينة لكن جعله رفع عنه الحد في الدنيا والإثم في الآخرة ما الذي رفع الحد عنه الجهل جهله ظن أنها زوجته qu'est-ce qu'il dit le cheikh il dit c'est une zina ou c'est pas une zina c'est une fornication ou pas une fornication le cheikh dit c'est une fornication mais son ignorance quelle ignorance il savait pas que c'était pas son épouse a levé l'appel légal dans ce bas monde Et le péché dans l'au-delà. Qu'est-ce qui a levé l'appel légal à son sujet? C'est quoi? L'ignorance. Son ignorance, c'est qu'il a cru que c'était son épouse, comme le cheikh dit. كذلك رجل تزوج محرما من محارمه. Une autre مسألة فقهية, c'est quoi? Un homme qui se marie avec l'une de ses محارم. D'accord? بسبب الرضاعة. Il dit pourquoi c'est son mahram? Parce que, hein? On va traduire ça après, mais c'est en raison de l'allaitement. Mais lui, il ne savait pas que c'était son. L'une de ses محارم. جهلا أنها من محارمه. تزوج أخته من الرضاعة. أو خالته من الرضاعة. ومكث على زواجه 20 سنة. بعد 20 سنة قامت عليه الحجة. أخبر بطريق الثقات أنه يجب عليه أن يفارقها. لكن ما حكم ذلك الوطء؟ يحاسب عليه في الدنيا؟ Qu'est-ce que vous dites? Je vous dis en français aussi. De même, un homme qui s'est marié avec l'une de ses maharim, c'est-à-dire l'une des femmes qui lui sont interdites au quoi? Au mariage. Qui lui est interdite au mariage en raison d'un allaitement. Mais il ignore qu'elle fait partie de ses maharim. Il s'est marié, par exemple, avec sa sœur, par allaitement. Ou avec sa tante maternelle, par allaitement. Et il est resté marié pendant 20 ans, et après 20 ans, la preuve lui est établie. Il est informé de cela par la voix de gens dignes de confiance, qu'il est obligatoire de la quitter. Mais quel est le jugement de son rapport sexuel pendant 20 ans? Est-il jugé à ce sujet dans son bas-monde, le cheikh dit? Cheikh, il dit, « Al-abna'uhu yunsabuna ilay, wa la yuqamu ali haddun fi dunya, wa la iqaba yawm al-qiyamati, wa la yujra ila akhir al-kalam. Lakin man nakaha ihda maharimihi, wa huwa ya'lamu, yuqtalu mubasharatan. » Hadi qadiyya mujma'un aliha. Hatta qala samahat al-mufti. C'est qui ici? Al-mufti. Hein? On dit la même chose que le Mashaykh, et malgré ça, le Mahdi, c'est un mourji. Hein? Alhamdulillah, ils ont dit ça sur Cheikh Al-Albani, alhamdulillah, ça ne nous dérange pas, alhamdulillah. Hatta qala samahat al-mufti al-udr bil jahl, udr bi ijma' al-muslimin. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est Cheikh Mohamed Al-Aqil qui rapporte du mufti. Ijma' al-muslimin, ijma' al-muslimin, ijma'a. Lakin al-khilaf fi haqiqat al-jahil. Ça rejoint la parole de qui, ça? Cheikh Mohamed Bezmoun. Il va rapporter après Cheikh Al-Fawzan. Certains l'utilisent beaucoup. Cheikh Al-Fawzan, il a dit, Cheikh Al-Fawzan, il a dit. Oui, Cheikh Al-Fawzan, il a dit ici, il a dit ça aussi ici. Hein? Et ça, c'est quelque chose que notre frère Abou Khadija, Hafidahullah, hein, ça fait partie de sa compréhension. Mais certains, ils parlent un peu sur lui, ils disaient, il a fait défaut dans la langue arabe, il ne comprend pas bien, etc. Je vous assure qu'ils ne connaissent pas Abou Khadija. Moi, je le connais très bien. Hein? Et c'est pas pour rien que Cheikh Rabi a fait une tesquette. Je sais pas si vous savez, c'est l'intesquette de Cheikh Rabi. Hein? Il le dit pas souvent, hein? Mais l'intesquette de Cheikh Rabi est de beaucoup de mashayikh. J'assure que Cheikh Abou Khadija est quelqu'un d'intelligent, il sait de quoi il parle. Quand il traite un sujet, il sait de quoi il parle. Et ça, il a très bien soulevé dans quoi? Dans ses khotab. Il a très très bien soulevé dans ses trois khotab là. C'est un sujet qui est pas facile à traiter, je vous assure. Hein? Mais il a vraiment bien montré la mis'ala. Zallahu khairan. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on disait ici? لكن الخلاف في حقيقة الجاهل. فلذلك نحن نفصل في المسألة فنقول عذر بالجهل يعذر به أناس ولا يعذر به آخرون. Ça, à la fin du cours, on va voir avec Cheikh Al-Fawzan la même chose. Cheikh Al-Fawzan, il va donner une règle sur l'عذر بالجهل. D'accord? فلذلك نحن نفصل في هذه المسألة فنقول عذر بالجهل يعذر به أناس ولا يعذر به آخرون. العذر بالجهل هذه قضية أساسية. بإجماع المسلمين عقيدة السلف رحمهم الله مذهب الفقهاء قاطبة فكما أنه عندهم عذر بالخطأ وعذر بالنسيان وعندهم عذر بالجهل عندهم عذر بالجهل هذا عذر عند كل الفقهاء لكن تنزيل هذه القضية على المعين هذه هي التي فيها الخلاف ساشغ محمد بزمول إننا très bien parlé dans son dawabit et dans le premier naqid si je ne me trompe pas hein de Nawaqid al-Islam. Il a très bien expliqué ça. Il dit muttafiqun al-udur bil-jahl, mais qu'est-ce quoi? Fi at-tanzil khilaf, il est quoi dans at-tanzil? Et dans un autre livre qu'on va traduire un jour aussi inchallah, en tout cas en partie, cette partie-là, il dit que c'est ça, il y a une différence entre ta'sil et at-tanzil. Comprenez ça ou pas? Or que certaines personnes essaient de mettre des shubuhat au niveau du ta'sil. Attention à ça. D'accord? Et c'est qui fait le tanzil? C'est qui fait... Vous comprenez par quoi le Tenzil? C'est le fait d'appliquer ces règles sur Hein? Des situations spécifiques. C'est qui fait ça? C'est les ulama, c'est pas nous. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'Abu Khadija a bien fait comprendre. Surtout dans un sujet aussi dangereux et aussi pointu dans la aqida que ceci. D'accord? Et c'est pour ça que dans la 15e règle que Cheikh Mohamed Mazmoul avait dit, c'était laquelle? Dans le tekfir, on revient à qui? Aux gens de science. D'accord? Au ulama, il a même dit. Donc on a dit quoi? Il a dit هل هذه قاعدة مطردة أننا مطردة أننا مطردة أننا نعذر كل جاهل نقول لا هل نعذر كل جاهل نقول لا إذا القضية فيها تفصيل العذر بالجهل أساس لكن إذا أردنا أن ننزلها على الواقع هذا فيه تفصيل نقول الجهل ينقسمون إلى قسمين جاهل مفرط وجاهل غير أو مفرط وجاهل غير مفرط. Donc qu'est-ce qu'on a dit ici? Il a dit, est-il jugé à ce sujet dans ce bas monde? On parle de qui? De celui, par exemple, qui s'est marié avec l'une de ses maharim. Mais il ne savait pas. Le cheikh dit, les enfants sont ses enfants, qui s'affilient à lui. Mais la peine légale ne lui est pas appliquée dans ce bas monde, et il n'est pas châtié le jour de la résurrection, etc. Mais celui qui se marie avec l'une de ses maharim, alors qu'il sait, c'est quoi le jugement de la charia? Hein, il sait que c'est son mahram, et il se marie quand même avec. Qu'est-ce qui se passe? Il est tué. Il est tué. Directement. Et c'est un point sur lequel il y a unanimité à tel point que son éminence le mufti du Royaume d'Arabie Saoudite, Cheikh Abdelaziz Ali Cheikh Hafidahullah Ta'ala, a dit que l'excuse en raison de l'ignorance est une excuse à l'unanimité des musulmans. Le consensus des musulmans de manière unanime, le Cheikh il dit. Mais la divergence, et ça je l'ai mis en gras dans la traduction, mais la divergence réside dans la réalité de celui qui est ignorant. D'accord? Et c'est pour cela que nous faisons le détail dans cette affaire et nous disons. Et c'est ça qu'il avait dit Cheikh Abed aussi dans l'Aqidat al-Raziyyin. Il a dit, il y a des fois, il y a l'udr bil-jahl et des fois, il n'y a pas, hein, l'udr bil-jahl. D'accord? Il dit, certaines gens sont excusés en raison de l'ignorance et d'autres ne sont pas excusés en raison de l'ignorance. L'excuse en raison de l'ignorance est une affaire fondamentale. Ici, on parle de quoi? Des fondements. À l'unanimité des musulmans. Et c'est la croyance des pieux prédécesseurs. D'accord? Qu'on vient me dire que moi je suis un mourji alors que je dis ça, alors que c'est la croyance des salafs. Et de tous les jurisconsultes. Comme ils ont l'excuse en raison de l'erreur, et l'excuse en raison de l'oubli, hein? Ils ont l'excuse en raison de l'ignorance. C'est suite une excuse chez tous les jurisconsultes, mais l'application de cette affaire sur l'individu spécifique, c'est cela en quoi réside la divergence. D'accord? Et quand je dis qu'on dit que c'est moi un mourji, je sais ce qu'il dit. Je reçois des emails où on dit que je suis un mourji. D'accord? Alors, à l'écoulé, le cheikh il dit, est-ce une règle absolue que nous excusons tout ignorant? Nous disons, quoi? Il a dit, cheikh, c'est une règle absolue? Ah, il a dit non. Donc, il y a un détail quant à cette affaire. L'excuse en raison de l'ignorance est un fondement. Retenez cette phrase-là. Mais si nous voulons l'appliquer à la réalité, donc si au niveau du ta'sil, qu'est-ce qu'on a dit ici? C'est quoi c'est? Amr, l'ulama mutafiqoun, Cheikh Mohamed Mazmouli l'a dit. D'accord? Mais si nous voulons l'appliquer à la réalité, fit tenzil, alors là, il y a un détail à faire. Je la répète, notez-la, mémorisez-la cette phrase. C'est 19 pages, elles sont en français, sont déjà sur notre PDF, sur notre site, en PDF en français. Et il y a aussi la parole en arabe de Cheikh Mohamed Al-Aqil et l'audio en arabe aussi de Cheikh Mohamed Al-Aqil. Hein? D'accord? Bien, cher, il dit, je répète cette phrase, l'excuse en raison de l'ignorance est un fondement, mais si nous voulons l'appliquer à la réalité, il y a alors là un détail à faire. D'accord? Cher, il dit, nous disons, maintenant, une question légitime qui se pose, c'est quoi? Bien, on comprend bien qu'il y a différents types d'ignorants, d'accord? Il y a des gens que des fois qui sont ignorés, et des fois qui sont, excusés par l'ignorance, pardon, et d'autres fois qui ne sont pas, hein? Excusé par l'ignorance. Donc il convient de savoir quand et quand. D'accord? Ben Cheikh il dit, les gens sont de deux catégories. Deux catégories. Il dit les ignorants désintéressés et les ignorants qui ne sont pas désintéressés. Ça rejoint la parole de qui ça? Cheikh Mohamed Mazmoul. Dans un instant, vous allez voir, ça rejoint la parole de qui? Cheikh Le Fawzan. Hein? Cheikh Le Fawzan. Il dit, les ignorants désintéressés sont ceux qui se détournent. Il dit, le jahl al-mufarrit hada huwa al-mu'rid. Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. ونحشره يوم القيامة أعمى إلى آخر الآيات من سورة طه. المعرض عن دين الله لا يتعلم ولا يعلم، هذا عندنا كافر، هو لا يريد أن يتعلم قال الله ولا يهمه ولا يرفع بذلك رأسا، نعوذ بالله من ذلك، لا يريد. نقول أنت معرض عن دين الله، الإعراض عن دين الله ناقض من نواقض الإسلام. On va le voir d'ailleurs dans ce sujet du cours que l'i'rad an dinillah c'est quoi? C'est un des nawaqid. On va voir l'explication en détail du Cheikh Mohamed Mazmoul inshallah. D'accord? هذا جاهل أو عالم؟ جاهل، لكنه جاهل المفرط، هو الذي لا يريد أن يتعلم، لم يرفع بالدين رأسا، هذا معرض وهذا كافر، إذا وقع في مكفر نعوذ بالله من ذلك. Donc il parle de la première catégorie, c'est les ignorants qui sont désintéressés, et ce sont ceux qui se détournent. La traduction des sens de la parole d'Allah dit, ce qui parle avec une preuve, et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection nous l'amèneront aveugle au rassemblement. Surat Taha, verset 123. Le mot ici, il est quoi? C'est quoi? Se détourne. Yu'arid. D'accord? Se détourne. Celui qui se détourne de la religion d'Allah, le Cheikh dit, il n'apprend pas et ne sait pas. Celui-là, pour nous, est mécréant. Il ne veut pas apprendre, Allah a dit. Et cela ne l'intéresse pas et ne prête aucune attention à cela. Qu'Allah nous préserve de cela. Cheikh, il dit, il ne veut pas. D'accord? Et vous allez voir, c'est la même parole que Cheikh Al-Fawzan. Nous disons, toi, tu te détournes de la religion d'Allah, et se détourner de la religion d'Allah est l'un des annulatifs de l'islam. Celui-ci, est-il un ignorant ou un savant? C'est un ignorant. Un ignorant, mais un ignorant désintéressé, qui ne veut pas apprendre, il ne prête aucune attention à la religion. Celui-ci est quelqu'un qui se détourne, et c'est un mécréant, s'il commet une mécréance. Qu'Allah nous préserve de cela. Maintenant, on a quoi? La deuxième catégorie. Et le cheikh, il dit, النوع الثاني إنسان بدل وسعه في معرفة الحق فإن أصابه ما شاء الله فإن أخطأ فهو معذور لأنه بدل وسعه هو المسلم الجديد من نشأ في بادية بعيدة من نشأ بين علماء سوء كحال كثير من المسلمين اليوم هو جاهل في نفسه ويظن أنه عالم لأنه عنده علم باطل علم بدعي علم على غير السنة من أين أخذ هذا العلم؟ أخذه من علماء الآن الأشاعرة من أين أخذوا علمهم؟ من علماء أم من جهلاء؟ من علماء. الصوفيون أخذوا علمهم من علماء لكن بحق أو بباطل. إذن هو في الحقيقة علم أو جهل، إذن هم جهلة. هؤلاء بارك الله فيكم، مادما جاء العام تعلم منهم وقال هذا شيخي ويظنها أنه عالم، تابع يظنه على السنة، يظنه على حق، هذا معلوم. قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فرض طالب العلم أن يتعلم بالدليل، فرض الجاهل أن يسأل العالم. الناس ثلاثة، العالم يأخذ من الكتاب والسنة مباشرة والمتبع نحوه، بقي الجاهل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا الآن في بلد كبلدك. Il parle de quel pays? Il parle des frères marocains. Parce qu'il faut savoir qu'il y a certains frères au Maroc qui commencent à rentrer comme dans d'autres pays, dans ce genre de masaïl, ils commençaient à faire le wala al-bara sur masaïla et pas revenir aux femmes des ulama dans ce genre de masaïla, etc. Et les ulama, ils ont été directs là-dessus. Cheikh Al-Utaybi, Cheikh Souhaimi, Cheikh Barramzan, Cheikh Mohamed Al-Aqid, tous les frères, les chouïrs avec lesquels les frères d'Agadir étaient en contact, ils ont dit la même chose. Ils ont conseillé aux frères de ne pas entrer dans ce genre de masaïla et de faire attention aux frères qui tournent autour de ce genre de masaïla et qui basent leur da'wa là-dessus. D'accord? Il dit, أنا الآن في بلدك في بلد كبلدك مثلا من أسأل أسأل الشباب الجهلة أو كلية الشريعة أو أسأل المفتي من أسأل أسأل المفتي سألت المفتي يا مفتي ما حكمه كذا قال حلال فأخذته لأنه وافق هواي أو لأنه قول المفتي وأنا أعتقد أن المفتي أعلم أهل الزمان وأن المفتي عضو في رابطة العالم الإسلامي ما سمعت قط إنسانا ينكر عليه ويخرج في التلفزيون ويتكلم في القرآن والتفسير والسنة أنا جاهل لا أميز إذن الآن وكثير من طلاب العلم يعرفون يميزون بين البدع والسني أتلزم العامي بهذا؟ أنا أعرف بعد الدكاترة ما عرفوا حقيقة سيد قطب حتى قرأوا كتب شيخ ربيع دكتور في الشريعة أما ما عرف حقيقة سيد قطب حتى قرأ كتب شيخ ربيع إذا كان هذا حال دكتور في الشريعة فما بال العامي؟ فكيف تلزم العامي أن يخالف ما عليه عامة العلماء في بلده ويتابع إنسانا في آخر الدنيا هذا شيء كتبه الله لكن هذا العامي أحد الرجلين إما متبع لهواه أو متبع للحق متبع لهواه همه أن يأخذ قول هذا الرجل حق أو باطل يريد يعظم هذا الرجل لا لأنه أعلم هذا البلد بل لأنه يحبه يعظمه لهواه، هذا أصاب الأخطاء كلها نوع، كلها نعوذ بالله من ذلك. أما إذا عظمه ظنا منه أنه العالم فهذا معذور مأجور إن شاء الله تعالى. Cher, il continue en disant la deuxième catégorie. Un individu qui fait tout son possible pour connaître la vérité. S'il y arrive, alors mashallah. Et s'il se trompe, il est excusé car il a fait son possible. Et c'est le nouveau musulman. Abu Khazil avait bien souligné dans sa khutbah. Et d'ailleurs, il s'est basé sur un livre qui était préfacé par Charles Fozan, que j'ai à la maison. Mais c'est un livre qu'il faut lire en entier. Il fait plusieurs centaines de pages. Comme certains frères, ils lisent quelques passages, ils ne reviennent pas à la fin où il y a toute la conclusion et la synthèse de tout ça. D'accord ? Il dit, un individu qui, et s'il se trompe, il est excusé car il a fait son possible. Et c'est par exemple qui ? Le nouveau musulman. Hein ? Charles Fozan, il a le même genre de parole. Le nouveau musulman. Et celui qui vit dans une contrée ? Lointaine. Et celui qui a grandi parmi les savants du mal. Comme c'est le cas de beaucoup de musulmans aujourd'hui. Il est ignorant en lui-même et il pense qu'il est un savant. Car il a une fausse science. Une science innovée, une science qui n'est pas sur la sunna. D'où a-t-il pris cette science? Il l'a prise de savants. Aujourd'hui, les Asha'ira, vous connaissez, vous avez déjà entendu parler de ce groupe, hein, les Asha'ira, de qui ont-ils pris leur science? De savants ou d'ignorants? Ben, de savants. D'accord? Et ils sont nombreux aujourd'hui, d'ailleurs, les Asha'ira, dans le monde musulman. Allahu al-musta'an. Hein? Les soufis ont-ils pris leur science de savants, mais avec vérité ou avec faux? Donc, est-ce en réalité une science ou une ignorance? Donc, ils sont ignorants. Cela qu'Allah vous bénisse, tant que l'individu parmi les gens de la masse est venu et a appris d'eux et qu'il a dit, celui-ci est mon cher, et qu'il pense que c'est un savant, il a suivi en pensant que c'est un savant, il pense qu'il est sur la vérité. Cela est connu, Allah dit dans la traduction du sens est, demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Sourate Nahl, verset 43. L'obligation du demandeur de science est qu'il apprenne avec la preuve, et l'obligation de l'ignorant est qu'il demande au savant. Et les gens sont trois catégories. C'est quoi les trois catégories des gens? C'est que c'est le savant qui prend du corps de la sunna directement. Celui qui suit sa voix, ce savant, c'est-à-dire qui? Talib ilm. Et il reste qui? L'ignorant. Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. Surat Nahl, verset 43. Puis Cheikh, il dit, il parle aux frères d'Agadir. Moi maintenant, je suis dans un pays comme ton pays, par exemple. Qui vais-je questionner? Cheikh, il dit, vais-je demander aux jeunes ignorants? Ou à la faculté de Sharia, ou bien je vais questionner le Mufti. Qui vais-je questionner, le Cheikh, il dit. Il dit, je questionne le Mufti. J'ai questionné le Mufti. Quel est le jugement de telle chose? Il dit, c'est licite. L'ai-je accepté parce que cela est conforme à ma passion, ou parce que c'est la parole du Mufti? Et moi, je crois que le Mufti est le plus savant des gens de son époque, et que le Mufti est membre de la Ligue mondiale islamique. Je n'ai jamais entendu quelqu'un lui faire un reproche. Etc, etc. Et il apparaît à la télévision. Et il parle au sujet du Coran. Et de l'exégèse du Coran. Et de la Sunna. Moi, je suis un ignorant qui ne fait pas la différence. Donc, et maintenant, beaucoup d'étudiants en sciences islamiques ne distinguent pas celui qui est sur l'innovation religieuse du sunnite. Vas-tu obliger l'individu parmi les gens de la masse à cela? Moi, je connais, Cheikh Mohamed Al-Aqil, il dit, moi, je connais un docteur qui n'a connu la réalité de cette Qutub que lorsqu'il a lu les livres de Cheikh Rabia. D'accord? Un docteur en sharia, le Cheikh, il dit. Il n'a connu la réalité de cette Qutub qu'après avoir lu les livres de Cheikh Rabia. Pourquoi est-ce que Cheikh Rabia, c'est lui le spécialiste en la matière? Hein? Dans les mashir comme Cheikh Ben Baz et Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahumullah, hein? Quand on leur posait des questions sur cette Qutub et ses livres, vers qui ils renvoyaient? Vers Cheikh Rabia. Telle est la situation d'un docteur en sharia, le Cheikh, il dit. Qu'en est-il alors de l'individu parmi les gens de la masse? Comment pourrais-tu obliger l'individu parmi les gens de la masse de transgresser ce sur quoi sont l'ensemble des savants de son pays et de suivre un individu à l'autre bout du monde? C'est une chose qu'Allah a écrite. Mes chers, il dit, mais cet individu parmi les gens de la masse est soit quelqu'un qui suit ses passions ou quelqu'un qui suit la vérité. Celui qui suit ses passions, ce qu'il importe, c'est de prendre la parole de cet homme, qu'elle soit vraie ou fausse. Il cherche à glorifier cet homme, hein? D'accord? Non pas parce qu'il est le plus savant de ce pays, mais parce qu'il l'aime et le vénère en raison de sa passion. Celui-là a commis toutes les erreurs qu'Allah nous en préserve. Tandis que s'il a un grand respect envers lui, car il pense qu'il est le savant, alors il est excusé et récompensé si Allah le veut. Et Cheikh, il dit, il termine là-dessus, ce point-là, il dit, وَإِذَا أَرَدْنَا التَّفْصِيلَ فِي هَذَا فَالتَّفْصِيلَ فِيهِ كَثِيرٌ جِدًّا كَذَلِكَ الَّذِي أَوْصَى أَهْلَهُ أَنْ يُحَرِّقُوهُ وَيَذَرُوهُ مخافة مخافة الله تعالى فغفر له. كقول عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل يعلم الله كل شيء؟ قال نعم. وكقصة حاطب بن بلتعة وفعل تلك الفعلة وراسل أهل مكة عذره النبي صلى الله عليه وسلم ونحوها من الأخطاء الخطيرة جدا التي يقع فيها إلى آخر الكلام. ولازلنا إلى يومنا هذا الصحابة اختلفوا في القبلة، فصل أحدهم إلى المشرق وأحدهم إلى المغرب، عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر أحدهم أن يعيد. وأهل قباء تنزل يعني أو تنزل تحويل القبلة، فصلوا العصر إلى بيت المقدس بعد تحويل القبلة والمغرب والعشاء والفاتحة الأولى من صلاة الفجر، حتى جاءهم من يخبرهم وهم في الركعة الثانية، فتحولوا إلى مكة فعذرهم صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالإعادة لأنهم ما عندهم علم عذروا أو ما عذروا. ولولا العذر بالجهل لهلك الناس جميعا، حتى الذي يقول بعدم العذر بالجهل أهلكهم، نعذرهم لأنهم جهال. فهذا ملخص هذه المسألة. فهذه المسألة لها نظائر مثل أعمال شرط كمال أو شرط صحة، هذه أختها. لا نقول شرط كمال ولا شرط صحة، نقول أعمال من الإيمان، لكن لا نشدد على السلفي قال شرط كمال أو شرط صحة، فهذا له سلف وهذا له سلف. أقول هذه المسألة لها نظائر لأنها إنما تورد لتفريق أهل السنة، والله الذي لا والله الذي لا إله غيره للشيخ يجوق بغى الله فت. العذر بالجهل والأعمال شرط كمال أو شرط صحة ونحوها من المسائل فإنما تورد لا لشيء إلا للتفريق أو ليفرقوا بين السلفيين، وفعلا فرقوا، استطاعوا أن يضربوا السلفيين بعضهم ببعض بقوة حتى إلى التبديع بل إلى التكفير، حتى قال بعضهم من لم يكفر الكافر فهو كافر. أنا أرى أنكم إذا سمعتم هذا أن تقولوا نقول لكم كما قال فيها أهل السنة والجماعة. الشيخ التغمين سبوالا يلدي Et si nous voulons faire le détail, il y a beaucoup de détails à faire. De même celui qui a recommandé à sa famille de le brûler et d'éparpiller ses cendres par crainte d'Allah et Allah lui pardonna. On a déjà cité ce hadith, on a cité ça, qu'on a parlé d'Awabed Tekfir, etc. On a cité par le Mawani, etc. Et Cheikh Islam Taymiyyah, il a de belles paroles par rapport à ce hadith. Revenez à Majmou' al-Fatawa d'Ibn Taymiyyah, on a cité des références. Et comme la parole de Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'Allah sait toutes choses? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit oui. Et comme le récit de Hatib ibn Abi Balta'a, qu'Allah qui a fait ce qu'il a fait et a écrit aux gens de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui pardonna. Et d'autres choses encore parmi les erreurs dangereuses dans lesquelles tombe et il a akhiri le câlin. Et nous sommes encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et des compagnons ont divergé. L'un priait vers l'est et l'autre vers l'ouest. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a excusés et n'a ordonné à personne de recommencer la prière. Et les gens de Quba, lorsque le changement de la Qibla a été révélé, ils ont pris l'Asr vers Bayt al-Maqdis après le changement de la Qibla. Et al-Maghrib al-Isha est la première Fatiha de la prière d'Al Fajr. Jusqu'à ce qu'arrive celui qui les a prévenus, alors qu'ils étaient dans la deuxième unité de prière, ils se sont orientés vers la Mecque, et il, sallallahu alayhi wa sallam, les excusa, et ne leur ordonna pas de recommencer leur prière, car ils n'avaient pas la science. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Le mot iman ici, salat. D'ailleurs, c'est un dalil chez les gens de la sunna que les a'mal font partie de l'iman. D'accord? Ils ont été excusés. Et d'ailleurs, c'est un dalil aussi pour réfuter les sectes qui disent qu'on ne prend pas khabar al-ahad. Pourquoi? Il y a une personne qui est venue les prévenir et ils sont tournés dans la Qibla. Ils sont orientés vers la Qibla. Hein? La nouvelle Qibla. D'accord? Cher Elie, ont-ils été excusés ou pas? S'il n'y avait pas l'excuse en raison de l'ignorance, tous les gens seraient perdus. Même celui qui dit qu'il n'y a pas d'excuse en raison de l'ignorance les a perdus. Nous les excusons car ils sont ignorants. C'est donc le résumé de cette affaire. Et cette affaire a des affaires similaires. Et là, je vous demande d'être attentif, ya ikhwa barakallahu fikoum. S'il faut bien comprendre ça. Salafi, il n'est pas naïf. Il y a des groupes qui sont clairs, que vous voyez qu'ils sont des gens de la bid'ah. Shia, Soufia, etc. Ça, c'est Cheikh Mohammed bin Hadi al-Madkhali qui nous l'a dit au téléphone dans cette mosquée. Il n'y a pas si la dernière dara, vous vous souvenez ou pas? Ou l'avant-dernière, quand il a fait un dars, il a fait une kalima, il a dit sur les ennemis de la da'wa salafia, et il a rapporté les kuffars qui sont clairs, il a rapporté les al-bid'ah al-zahiroun qui sont apparents, et puis il a rapporté un groupe qui s'affilie à la sunna, et la salafia, mais qui sont restés Ahl Bida'a. Par exemple, qui? Le Haddadiya, par exemple. Le Haddadiya ne va pas venir chez toi, il va te dire je suis un soufi, je suis un chi'i. Il va te dire non, je suis un salafi. Il va te dire, il va te citer des savants, il va te citer des grands imams, il va te montrer la. Cheikh Ahmed Bezmoul, ça je vais revenir à ça parce que la semaine prochaine je fais une conférence à Paris, Inch'Allah, et ce sera ça le sujet du. Ou en tout cas une partie du sujet, hein, de Cheikh Ahmed Bezmoul, il pointe bien ça. C'est que le Mubtadi', le Haddadi, quand il vient chez toi, il ne vient pas chez toi avec l'ouange al-Haddadi. Il vient chez toi et te montre la sunna, le bon comportement, la fraternité, la défense de la sunna, la défense des ulama. Et petit à petit, comme il dit Cheikh, yu'assilu fika ma yurid. Il établit en toi les fondements qu'il veut. Il te met le poison. Il y a des masaïls autour desquels il tourne pour te mettre des choubouettes. Parmi ces masaïls-là, l'udr bil jahl. Parmi ces masaïls-là, il y en a d'autres. Et moi, je sais ce qu'il dit, le Cheikh, parce que ça fait de nombreuses années qu'on combat le Haddadiya et j'en ai vu et j'en ai connu. Et subhanallah, c'est vrai ce qu'il dit, le Cheikh. À l'époque, c'était Jins l'Amal, Shart Kamal, Shart Sihat. On a dit, Cheikh Rabi, il a dit, dites pas, dites comme disent les salaf. Al-Iman, Qawlun, Wa'amalun, Wa'atikrat. Khlas. Ça ne suffit ce qu'ils ont dit les salaf. On commence à reprendre. Mais pourquoi ils essayent de rentrer dans ce genre de masaïl là? Parce qu'ils cherchent quelque chose. Ils cherchent à faire rentrer le Shabab dans ce genre de masaïl là pour les égarer, les prendre avec eux. Et c'est ce qui est arrivé que certains, ils ont réussi à les prendre avec eux. Et quand on les met en garde, et ça je vais le dire dans la conférence de Paris, Inch'Allah, et ce sera sur notre site après en PDF complet, Inch'Allah, Cheikh, il a dit, certains d'entre eux, Cheikh Ahmed Mazmoun, il leur a fait nasiha. Et qu'est-ce qu'ils répondent? Et je sais que je vais voir des sourires sur certains visages ici. Ah oui, moi j'ai vu de lui que le bien. Ça? J'en vois beaucoup des sourires là. Parce que vous avez sûrement déjà vécu ça. Mais ah oui, subhanallah, je vois de lui que le bien. Ya akhi, foulan, kada, attention, kada, foulan. Akhi, moi j'ai vu de lui que le bien. D'accord? Faire attention à ça. Il faut faire attention à ça. Et je recommande aux frères qui veulent, je sais qu'il y a quelques frères qui essaient de s'organiser pour aller jusqu'à Paris, Inch'Allah. Il y a des frères qui viennent de beaucoup plus loin que vous. Les frères de France, ça fait combien la Montpellier-Paris? En kilomètres? Il y a Bayonne, ils viennent aussi? Montpellier, ça fait quoi? Paris. Ouais. 900 en fait, non? Ouais, 900, Mais il y a des frères qui vont venir, alhamdoulilah, de Montpellier, etc. De Marseille, etc. Alhamdoulilah, Birmingham, c'est quoi, 500? Là, j'essaie de vous motiver, là, en fait. Inch'Allah, je sais qu'il y a des frères qui s'organisent, essayez de venir, parce qu'Inch'Allah, il n'y a pas que moi, on sera 8 frères, Inch'Allah, dans la Daura. Donc, moi, je vais faire cette risala que je vais vous montrer après, je vais vous amener l'affiche. Et ça va traiter ce genre de masail là, Inch'Allah. D'accord? Donc, il faut, ce que j'essaie de dire ici, c'est qu'il ne faut pas être naïf, ya ikhwa. Il y a des messaïls, d'accord, que notamment le Haddadiya essaye d'utiliser pour mettre des chouboîtes aux salafis et les prendre avec eux. Regardez ce qu'il dit le Cheikh. Et cette affaire, quelle affaire? Le Udr bil Jahl a des affaires similaires comme est-ce que les actions sont une condition de complétion de la foi ou une condition de la validité de la foi, Shart Kamal ou Shart Siha? Et moi, je ne vais pas détailler ça. On pourrait détailler, mais je ne vais pas détailler ça. Moi, je dis comme l'a dit Cheikh Rabia. Qu'est-ce qu'il a dit Cheikh Rabia? Qulu kama qala as-salaf. Al-iman qawlun wa amalun i'tiqad. Et tu fermes la porte. Ou comme l'a dit Hamal Ansari, il a dit quoi? Al-iman khams nunat. Qawlun bil-lisan wa amalun bil-arkan wa i'tiqadun bil-janan yazidu bita'ati al-rahman wa inqusu bita'ati الشيطان خلاص يكفيك فبان خدام شارت سي كمال سي لا ferme la porte. Mais il y en a, ils essaient de rentrer dedans, pourquoi? Et de te faire rentrer dedans, pourquoi? Parce qu'ils cherchent quelque chose de toi. D'accord? Donc il a dit, cette affaire, elle a des affaires similaires comme est-ce que les actions sont une complétion de la foi ou une condition de validité de la foi? Et donc c'est sa sœur à cette affaire. Cheikh, il dit, nous ne disons ni une condition de complétion ni une condition de validité, on dit ni shart kamal ni shart siha. Nous disons les actions font partie de la foi. Ça fait khlas. Mais nous ne sommes pas durs envers le salafi qui dit que c'est une condition de complétion ou une condition de validité, car le premier a un prédécesseur dans ce qu'il a dit et l'autre a un prédécesseur dans ce qu'il a dit. Je dis cette affaire a des affaires qui lui sont similaires, car elles sont citées, ça c'est pas ma parole à moi, c'est la parole de Cheikh Mohammed Aqil, car elles sont citées afin de diviser les gens de la sunna. Et regardez ce qu'il va dire. Par Allah, nulle divinité n'a le droit d'être adorée par lui. L'excuse en raison de l'ignorance et les actions sont une condition de complétion de validité et d'autres affaires similaires ne sont citées qu'afin de diviser les salafis. Et ils ont vraiment divisé. Il y avait même certains frères qui étaient très actifs sur ce genre de masaïla au Maroc, etc. À tel point que les frères, ils ont décidé d'en parler au ulama. Et quand Cheikh Sahim est venu chez eux, il leur en a parlé, etc. Et malgré après la visite de Cheikh Sahim, ils ont continué à parler de ça, etc. hein, et à mettre des choubouettes aux gens, etc. Et ça a été même très loin. Donc, alhamdoulilah, les frères salafis ont accepté le nasaïh des ulama. Et Cheikh Bramzan, il leur a fait nasiha aussi. Et Cheikh Mohamed Al-Aqil, ils avaient entendu maintenant. Et d'autres machaires. Cheikh, il dit, ils ont été capables de frapper les salafis les uns contre les autres avec force, jusqu'au tabdi' même. Mais de plus, jusqu'au takfir. À tel point que certains ont dit, celui qui ne juge pas le mécréant comme étant mécréant, est alors un mécréant. Hein? Cheikh, il dit, moi je vois, ça c'est le nasiha, écoutez-la bien celle-là. Moi je vois que si vous entendez cela, que vous disiez, nous vous disons à ce sujet, ou comme a dit à ce sujet, les gens de la sunna du consensus. Nous vous disons à ce sujet, ce qu'on dit, hein, les gens de la sunna et du consensus. Il y a une source, il y a deux sources sur le PDF que vous allez voir sur notre site, il est déjà sur notre site. Il y a une source audio et une source PDF, d'accord? Alors maintenant, Cheikh Al-Fawzan, pour clôturer ce qu'on a dit sur l'Udr Bil-Jahl, parce qu'il y en a, ils aiment bien se revendiquer Cheikh Al-Fawzan, et Cheikh Rabi, il a dit, je vais le traduire ça dans quelques cours, Inch'Allah, peut-être le prochain cours, il a dit, hein, certains d'entre eux, ils parlent de l'Haddadia, ils respectent qu'un Cheikh. Il a dit en vérité, c'est qui Cheikh Al-Fawzan? Il dit en vérité, moi je pense qu'en vérité, au sein d'eux-mêmes, ils le détestent. Ils le détestent. Regardez, écoutez ce qu'il dit Cheikh Al-Fawzan. Sur le Udr Bil-Jahl, on va utiliser ces paroles sans rien ajouter ni rien retirer. L'éminent savant Cheikh Salah Al-Fawzan, qu'elle le préserve, fut questionné de la manière suivante. Y a-t-il une règle claire en ce qui concerne l'affaire de l'excuse en raison de l'ignorance, le Udr Bil-Jahl, dans les actions, fil af'al? La réponse du cheikh. L'ignorance est de deux types. Une ignorance qu'il n'est pas possible de retirer, comme qu'il soit à un endroit où il n'y a pas de savant, et que rien ne lui soit arrivé. Où il n'a pas de savant, et que rien ne lui soit arrivé. Celui-ci est excusé en raison de l'ignorance. Quant au deuxième type, l'ignorance qu'il est possible de retirer, s'il avait questionné, s'il avait appris, s'il avait demandé la vérité, il aurait trouvé quelqu'un pour la lui clarifier. Celui-là n'est pas excusé en raison de l'ignorance, car le manquement vient de lui, et c'est la négligence de sa part à lui. Ça rejoint la parole de qui? Cheikh Mohamed Al-Aqil et de Cheikh Mohamed Bezmoul. Il y a une source, vous pouvez écouter la parole en arabe, et d'ailleurs, sur notre site déjà, il y a un lien, vous pouvez ou même cliquer directement sur notre site, l'audio, vous pouvez l'écouter directement notre site en arabe. On a fini ça, maintenant, on a encore un peu le temps, on va rapporter la fameuse parole d'Ibn Taymiyyah. Alors de quoi on parlait par rapport à Nawaqid l'Islam? On parlait de quel naqid pour les frères qui étaient là? Deuxième. C'est quoi le deuxième naqid? Quelqu'un le connaît par cœur en arabe? Je vous avais dit que j'essayais de... Quelqu'un qui lève la main? Je vais me dire qu'il y a personne qui mémorise les frères. Atfadda? ويتوكل عليهم نعم احسنت ايوه جزاك الله خيرا احسنت je vous recommande de ouais d'accord je l'ai pas fait la cheikh Mokbil rahim je l'ai pas dit anta qum hein on va doucement mais on propose pour motiver les gens etc essayer de mémoriser c'est un maître qui est très court et je vous recommande de le faire graduellement. Pourquoi? Pour que ce soit plus facile pour vous. Si vous pouvez le mémoriser en une fois et après continuer avec le charh, c'est bien. Mais sinon, au moins, que vous le fassiez petit à petit, chaque fois qu'on rapporte un naqid, que vous utilisez ce naqid-là, que vous ayez le charh avec, etc. Mais le but, c'est qu'à la fin quoi? À la fin du cours, ou de tous les cours, bien que tout le monde l'ait. Inch'Allah, c'est un challenge qu'on a tous ici. C'est quoi? Challenge, c'est un défi. Hein? Non, on dirait encore en Angleterre. Hein? C'est un défi qu'on a tous ici, c'est que une aspiration, c'est que tout le monde, à la fin du cours, est le maintenant. D'accord? Donc, on a parlé de ça, et puis, on a parlé de la parole, la fameuse parole de Ibn Taymiyyah, par rapport à quoi? On a parlé de? Non, mais qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à ça? Si vous voulez parler, dites-moi, comme ça je rentre directement dans le sujet. Hein? وين قال ابن تيمية رحمه الله وأما من يأتي إلى قبر نبي أو صالح أو من يعتقد فيها أنه قبر نبي أو رجل صالح وليس كذلك ويسأله يستنجده فهذا على ثلاث درجات On va faire deux darajas aujourd'hui. La troisième, je ne vais pas la rapporter. Pourquoi? Parce qu'elle est assez longue. Et en fait, il va rapporter un argument de certains qu'ils essaient d'utiliser et va le réfuter. Donc, je ne voudrais pas vous ramener l'argument sans la réfutation. D'accord? Donc, on va laisser ça en un bloc, Inch'Allah. Et on va faire les deux premiers degrés. إحداها أن يسأل حاجته مثل أن يسأله أن يزيل مرضه أو مرض دوابه أو يقضي دينه عفوا أو ينتقم له من عدوه أو يعافي نفسه وأهله ودوابه ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فهذا شرك صريح يجب أن يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل وإن قال أن أسأله لكونه أقرب إلى الله مني ليشفع لي في هذه الأمور لأني أتوسل إلى الله به كما يتوسل إلى السلطان بخواصه وأعوانه فهذا من أفعال المشركين والنصارى فإنهم يزعمون أنهم يتخذون أحبارهم ورهبانهم شفعاء يستشفعون بهم في مطالبهم وكذلك أخبر الله عن المشركين أنهم قالوا ما نعبدهم إلا يقربونا إلى الله زلفا وقال سبحانه وتعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وقال تعالى ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فبين الفرق بينه وبين خلقه فإن من عادة الناس أن يستشفعوا إلى الكبير من كبرائهم بمن يكرم عليه فيسأله ذلك الشفيع فيقضي حاجته إما رغبة وإما رهبة وإما حياء وإما مودة وإما غير ذلك والله سبحانه لا يشفع عنده أحد حتى يأذن هو للشافع فلا يفعل إلا ما شاء وشفاعة الشافع من إذنه فالأمر كله له ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. Donc qu'est-ce que nous dit Cheikh Mohamed bin Omar Bazmoul حفظه الله تعالى parmi les savants salafis de la Mecque contemporains toujours vivants حفظه الله. Il dit Ibn Taymiyyah qu'à la lifesse miséricorde a dit: quant à celui qui se rend à la tombe d'un prophète ou d'un vertueux, ou celui qui croit que cette tombe est la tombe d'un prophète ou d'un homme vertueux, alors que ce n'est pas le cas, et lui demande assistance, cela alors de 3 degrés. Combien de degrés? 3. On va en faire 2 aujourd'hui, Inch'Allah. Le troisième sera pour le cours prochain. Je répète une nasiha que je vous ai déjà donnée, c'est qu'avant le cours, vous revoyez le cours d'avant. Vous avez vu, on a combien de PDF déjà maintenant? Sur le site, là, il y en a déjà 10. Demain, Inch'Allah, ou... peut-être pas ce soir, mais demain normalement, Inch'Allah, il y en aura 11. Ça va vite, hein. Il y a quand même pas mal de pages par PDF. Donc, si vous voulez maîtriser ce genre de notions et comprendre, c'est important de revoir. J'ai vu qu'il y a certains frères avant le cours qui revoyaient leurs notes. Et ça, c'est un uslub du talib ilm. Et même plus loin, c'est de préparer le cours d'aujourd'hui. Vous avez, alhamdoulilah, la majorité d'entre vous, tous, qui voudrait le livre, en fait? J'avais 50 exemplaires. Je t'en avais gardé un. D'accord? Et je crois qu'après toi, j'en ai plus. D'accord? Ce que tu m'avais demandé, non? Alekouli Hal, après 4 mois, hein, ils sont arrivés. Express delivery, comme ils ont dit. Alekouli Hal, ils sont arrivés, c'est le principal. On en avait 50, on n'en a plus. Inch'Allah, on essaiera, parce que même l'éditeur, il n'en avait plus apparemment. Donc on essaiera d'en avoir pour nos frères et nos sœurs d'ici, et pour les gens de France et de Belgique d'ailleurs qui nous écoutent, Inch'Allah. Eh bien, comme j'ai dit, c'est quoi? C'est que, avant de venir au cours, que vous revoyez les notes d'avant et que vous préparez le cours d'aujourd'hui. Et ça, c'est un usloub que le Hafid al-Hakami, rahimahullah, il utilisait avec son cheikh qui était l'imam al-Qara'awi, rahimahullah ta'ala. On a même entendu qu'il revoyait son cours, il revoyait ses notes, et puis qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait... avant le cours, il préparait ses notes, il arrivait au cours, il prenait ses notes et il étudiait, etc. Après le cours, il revoyait, puis quand il avait fini, il retournait chez son cheikh à la Mektaba et il faisait des questions-réponses et il débattait avec son cheikh pour tirer des bénéfices. Donc vous voyez, c'est l'usloub, comment il est de l'ilm. Donc on a dit les 3 degrés. Le premier, qu'il lui demande ce dont il a besoin, comme lui demander de faire disparaître sa maladie. Ou la maladie de ses bêtes, ou de s'acquitter de sa dette, ou de le venger de son ennemi, ou de le guérir lui-même, ou sa famille, ou ses bêtes, et d'autres choses parmi les choses que seul Allah a la capacité de faire, bien, maintenant vous êtes capable de donner le hukm shara'i. Attention, je peux dire une fatwa, hein, mais on a déjà parlé de ça. C'est quoi ça? Il a dit, c'est une association claire. D'accord? Il est obligatoire d'ordonner à celui qui l'a commis de se repentir s'il se repent ou est tué. Et s'il dit, je lui demande car il est plus proche d'Allah que moi, afin qu'il intercède pour moi dans ses affaires, car je le prends comme moyen pour me rapprocher d'Allah, comme on utilise les aides et les proches du sultan pour se rapprocher de lui, alors cela fait partie des actions de qui? Des associateurs, des mouchriquins et des chrétiens, car ils prétendent qu'ils prennent leur rabbin et leur moine comme intercesseurs, et à qui ils demandent d'intercéder pour eux dans leurs requêtes. D'accord? Faut attention, parce que vous risquez de rencontrer certaines personnes qui vont utiliser ce genre d'ambiguïté pour justifier leur shirk. Donc il faut être à même de savoir répondre à ce genre d'ambiguïté. Et de même, Allah subhanahu wa ta'ala a informé au sujet des associateurs qu'ils ont dit, ce dont la traduction du sens est, nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Surat Az-Zumar, verset 3. Et Allah dit, ce dont la traduction du sens est, ont-ils adopté en dehors d'Allah des intercesseurs? Dit, quoi? Même s'ils ne détiennent rien et sont dépourvus de raison, dit, l'intercession tout entière appartient à Allah, à lui la royauté des cieux et de la terre, puis c'est vers lui que vous serez ramenés. Surat Az-Zumar, verset 43 et 44. Et Allah dit, ce dont la traduction du sens est, vous n'avez en dehors de lui ni allié ni intercesseur. Surat Sejda, verset 4. Et Allah dit, ce dont la traduction du sens est, qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Surat Al-Baqara, verset 255. Il a donc mis en évidence la différence entre lui et sa création. L'habitude des gens est de demander d'intercéder auprès des personnes importantes parmi eux, à ceux qui sont honorés et qui donc, lorsque ces intercesseurs demandent, ils s'acquittent de leur demande soit par désir, soit par peur, soit par pudeur, soit par amour, etc. Et personne ne peut intercéder auprès d'Allah tant qu'il n'en a pas donné la permission à l'intercesseur, et donc il ne fait que ce qu'il veut, et l'intercession de l'intercesseur est avec sa permission. Et donc toute l'affaire revient à Allah. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un d'entre vous ne dise certes pas « Oh Allah » et c'est un hadith qui est quoi ?« Muttafaqun alayh » d'après une narration d'Abu Huraira radiallahu anhu arda. « Oh Allah, pardonne-moi si tu veux. Oh Allah, fais-moi miséricorde si tu veux. » Mais qu'il soit résolu dans sa demande, car personne ne contraint Allah. Et ça, j'attire l'attention sur une erreur que beaucoup de nos frères et peut-être de nos sœurs font. C'est quand ils font du'a, ils disent à la fin quoi ?« Inch'Allah ». Il faut éviter ça. Certains le savent, mais c'est une habitude qu'ils ont sur la langue. Il faut essayer d'éviter. Et surtout, quand tu vois ton frère, tu entends ton frère ou tu entends ta sœur, pour les sœurs qui disent ça, eh bien, quoi? Conseil. Même s'il dit oui, je sais, non, tu lui rappelles, mais fais attention et essaie d'éviter ça, d'accord? Cher, il dit, mais qu'il a donc mis en évidence que le Seigneur, exalté soit-il, fait ce qu'il veut et que personne ne le contraint à faire ce qu'il choisit comme l'intercesseur pourrait contraindre celui auprès de qui l'intercession est faite. Et comme le demandeur pourrait contraindre celui auprès de qui la demande est faite, s'il insiste auprès de lui et lui nuit par sa demande. فَبَيَّنَا أَنَّ الرَّبَّ سُبْحَانَهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ لَا يُكْرِهُ أَحَدٌ عَلَى مَا اخْتَرَهُ كَمَا قَدْ يُكْرِهُ الشَّافِعُ الْمَشْفُوعَ إِلَيْهِ وَكَمَا يُكْرِهُ السَّائِلُ الْمَسْئُولَ إِذَا أَلَحَّ عَلَيْهِ وَآذَاهُ بِالْمَسْأَلَةِ فالرغبة يجب أن تكون إليه كما قال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب والرهبة تكون من الله كما قال تعالى وإياي فارهبون وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون وقد أمرنا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء وجعل ذلك من أسباب إجابة دعائنا وقول كثير من الضلال هذا أقرب إلى الله مني وأنا بعيد من الله لا يمكنني أن أدعوه إلا بهذه الواسطة ونحو ذلك من أقوال المشركين فإن الله تعالى يقول وإذا سلك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقد روي أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله ربنا قريب فنناديه أم بعيد فنناديه فأنزل الله هذه الآية وفي الصحيح أنهم كانوا في سفر وكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم الشيخ العثيمين شرح الواسطة يأيدي المعنى سهونوا فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا بل تدعون سميعا قريبا إن الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته Donc qu'est-ce que Cheikh Mohamed bin Omar Bezoumoul, hafidahullah ta'ala, il nous dit dans la suite de cette explication du deuxième naqid de Nawaqid l'Islam? L'aspiration doit donc obligatoirement n'être qu'à lui, subhanahu wa ta'ala. Comme Allah a dit, ce dont la traduction du sens est, quand tu te libères donc, lève-toi et à ton Seigneur aspire. Surat al-Sharh, versets 7 et 8. Et la crainte doit être envers Allah, comme seul, comme Allah le Très-Haut a dit, ce dont la traduction du sens est, et c'est moi que vous devez redouter. Surat al-Baqarah, verset 40. Et Allah le Très-Haut a dit, ce dont la traduction du sens est, ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi. Surat al-Ma'idah, verset 44. Et il nous a donné l'ordre de prier sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'invocation, et a fait que cela soit une cause pour que nos invocations soient acceptées. Ici, on est obligé de faire un point par rapport à ça. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? À quoi il fait référence ici, le shir? Il rapporte un des adabs parmi adab al-du'a. Alors, j'ai rapporté une parole de Cheikh Abdelrazak al-Badr, hafidhahullah, qui explique bien ce point-là. Il dit, dans son livre, Fiqh al-Ad'iyati wal-Adhkar, volume 1, page 444, et il y a quelques copies à la Maktaba Salafia, je vous recommande vivement ce livre, c'est deux gros tomes, c'est vraiment très très complet sur l'Ad'iyya ou l'Adhkar, etc. C'est vraiment très intéressant, hein, c'est un achat à faire. Il dit, il convient aux musulmans, avant d'invoquer, de prier sur l'ami intime d'Allah et son serviteur et son messager, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et l'incitation à faire cela est rapportée dans de nombreux ahadiths, dont le hadith de Fadalah, Ibn Ubayd, car à l'agré qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu un homme invoquer dans sa prière sans avoir prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui-ci s'est précipité. D'accord? On peut parler du verbe qui est utilisé, ajjala ou ajila, etc., par rapport au riwayat, mais on ne va pas trop aller en détail. On va terminer ce point parce que la prière, elle reste combien là? 5 minutes, c'est ça? À la Kulihal, il dit donc, celui-ci s'est précipité. Puis il l'appela et lui dit à lui et à autrui, lorsque l'un d'entre vous prie, qu'il commence par louer Allah et faire les éloges d'Allah, puis qu'il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis après cela, qu'il invoque par ce qu'il veut. Et c'est un hadith qui a été rapporté par Abu Daoud dans Sunan et Tirmidhi dans Sunan. Il a été jugé authentique par Cheikh Al-Albani dans Sahih al-Jami' numéro 648. Puis Cheikh Abdelazak rapporte un point intéressant, il dit ici, et cela à 3 degrés, hein, qu'il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant d'invoquer, et après avoir loué Allah le Très-Haut. Deuxième, c'est qu'il prie sur lui au début de l'invocation, en son milieu et à sa fin. 3. Donc je répète vite ces degrés qu'on finisse le cours, Inch'Allah. Un, qu'il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant d'invoquer et après avoir loué Allah le Très-Haut. Deux, qu'il prie sur lui au début de l'invocation, en son milieu et à sa fin. Trois, qu'il prie sur lui au début et à la fin de l'invocation et qu'il fasse que sa demande soit entre les deux. La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une parole de Milqim dans Jala'al Afham. et pour la vocation comme la clé. Donc la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est pour la vocation comme la clé. Ibn Qayyim rahimahullah l'a dit, la clé de l'invocation est la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Miftahu du'a, as-salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme la purification est la clé de la prière. D'accord ? Fin de citation. Et on va s'arrêter là. Rappelez-moi le cours prochain que je me suis arrêté à ce point-là. Juste une petite annonce qu'on finisse là-dessus, Inch'Allah. Donc, le week-end prochain, il n'y a pas cours. Pourquoi ? Parce que le 4 et 5 mai, je serai, Inch'Allah, à Paris, à l'Institut de transmission du savoir, 22 rue du docteur A. Georges, à Villeneuve-le-Roi. Et je vais faire, Inch'Allah, Sharh al-Fatwa al-Malikiyya de l'imam Abu Faris Abdelaziz Mohamed Qirawani, Sharh de Sheikh Ahmed Bazmoul, Hafidahullah Ta'ala. D'accord ? Donc si vous voulez assister, vous êtes les bienvenus, sinon ce sera retransmis sur la radio Sunna publication. Wallahu a'lam, jazakallahu khairan, wa subhanaka wa hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. S'il y a quelqu'un qui veut s'organiser pour aller à Paris, il y a Shahir qui propose que vous regroupiez après l'Isha, Inch'Allah.